hein. Bonsoir, donc ce soir, le vendredi 19 avril, août, si je ne m'abuse, 2011, l'émission Nuisance est de retour après des vacances bien non méritoires. Un peu de clarté, vous m'entendez bien, voilà. Donc j'étais sur le point de vous raconter mes vacances quand subrepticement une envie filante. Cette envie filante m'empressa de traduire une tergiversation toujours déblatérante et débilitante. Pas l'anticipatoire inaction, comme je disais tout à l'heure. J'espère que vous ne me comprenez pas. Sur le point de. C'est de fait de loin. C'est une passade. La la la la, c'est nuisance. C'est nuisance pour vous ce soir. Ça vous aime tellement, ça vous prend, ça vous retourne dedans. Nuisance. Et ça vous prend tellement, ça vous regarde dans les tripes et les boyaux, ça gicle sur les parois du mur. De la situation est telle que je suis interrompu par un fatras d'immondices. Merde. Merde. Merde. Ouais, merde. Ouais, merde. Vous entendez derrière le mur la merde, elle danse. C'est à ce moment précis que le mec me dit « Mais va te faire enculer ». Et moi je lui dis quoi, hein, à ton avis? flatulence peut-être pour mon ami Pierre Jacques, Henri, je veux dire, Marcel. Nous nous souvenons de ton mémoire. Sur les beaux chemins, la vie est belle. Fatra Dimoulis ce soir, donc présenté pour vous sur nous. Oh oui, c'est beau. La vie, c'est beau. The pain is everywhere as we know it. It's been all the way till Amsterdam, and Rotterdam is a prig, and I don't want to know what is in Venice today. Oil or is it muck? I don't want to know what is in Venice today. Who wants to know where Venice Beach is? Where is Venice Beach? I do wonder sometimes whether the sky is blue or whether it's gray, like my stain. Oh, stay, please, stay with us. We have plenty of salaries to give away to the poor. Schmucks like you, I mean. Stay with us, slaves. We love you so much. You should be one of them. You should be one of them. Pay the bill. Pay. Pay it. Pay. Will you pay the bill? George. Of the rumble. The rumbleness. Up your shorts. Dumbass. Mid. Twisting motherfuckers. Wouldn't you rate that to be totally twisted in your mind and be me? Wouldn't you rather be something twisted, twisted like your mind? Est-il possible que l'on rencontre une tergiversation délitérante? Aïe, je m'en mets. Vocabulaire donc étymologique d'une légifération pestiférante. Ferons donc la sainte heure de toutes les gloires pourries de cette éternité à chier. L'émission est lancée, nuisance pour vous ce soir. On vous annonce la fin de la fin du monde. Le début d'une ère nouvelle, celle de la destruction totale de toute humanité. Bienvenue, les humains sont partis de ce monde, vous êtes libres, enfin. Libérez-vous, les inhumains, les monstres, créatures, viles et mesquines que vous êtes. Vous êtes déjà pourris de l'intérieur, mais l'extérieur, il reste l'extérieur. Une chance peut-être de se pourrir de l'extérieur, qui dit mieux ? Yeah, 2K. Do you hear me, 2K? Oh, 2K, man. Where are you? I can't exactly see where... Oh my god. It's full of shit. It's full of twisted, rummaging, kind of live shit everywhere, I mean. Is it true? Are we all insane? Patriotisme, s'il en est un. Oh mon Dieu, j'ai dit un mot qui pue du cul. Celui de bien. Car le bien, c'est comme le mal, à la fin, on n'en a plus rien à foutre. La la la la la la la, j'attaque à pouki tchuki bouki doo. La la la la, ouais ouais ouais, ma mère. Elle a l'air. Oh putain, ça y est, j'ai encore perdu l'antenne. Ils arrivent. C'est eux. Pourrir l'antenne encore cette fois. Non, pitié, pas cette fois-ci, non. Pas les bruits, pas le bruit, pas ça, non. Nous, ce qu'on veut pas, c'est du bruit. La solution envisagée et envisageable, mes chers confrères et consœurs, mes chers constituants et constituants, nous statuerons sur la possibilité nomenclaturée d'une tergiversable, donc comme je disais, nomenclature, tergiversation, latéral. N'oubliez pas le timbre poste sur votre fiscalité. L'on ne met pas le timbre poste sur sa fiscalité. Vous aurez compris que le ton n'est pas à l'humeur ce soir. Eh bien, à la malhumeur. Après la malbouffe, la malhumeur. Qui dit mieux ? Smelly turds in the mouths of all those motherfuckers that pisses me off. That's what it is. Smelly turds. Aren't they dead yet? Dead. Everywhere. Dying. And destruction. Burning. Burning to the ground. We are all rotting in hell. We have all been already. And we know it's the same kind of old fucking funky smelly rotting. New crappy fucked up motherfucking fuck shit and every old motherfucking stupid motherfucking assholeness. Shit. I mean, is it possible? They can't hear me, man. They're everywhere. L'exploration continue dans une saturation oblitérante. Vous entendez la pression monter dans un gain saturé. Sature. Une ossature donc dorée, les plosives et les scissives sont exagérées. Nous allons donc subir un tort, à tort, un tort, toujours nomenclaturé. Attention à vous, les basses apparaissent. Ça y est. Nous sommes réellement partis de ce monde. Sur un plateau de l'or, de vous. Ouais, ouais, du mon cul. Donc l'arrêt pénètre l'anus et ça déblitère. Déblitérant. N'interrompt pas donc l'envie désirable. L'envie désireuse, l'ambition. Zion, Babylon, bienvenue sur cette émission. Nuisance n'est pas une émission. Comme les autres, c'est l'émission la pire de toutes les merdes qui puissent exister de chiottes. Et elle vous ennuie à plus haut point, c'est le but. Vous comprenez absolument rien, moi non plus. J'espère que c'est clair. Je devrais dire nous non plus. Nous sommes plusieurs dans la tête. Je veux dire, chef de file, quoi. Dans la chef de file. Nous lui pénétrons les orifices tout en absorbant l'atelier. Nous avons envisagé le plan de secours, le plan B. Le plan E n'est pas envisageable. Quant aux autres, qu'ils le soient ou pas, ils n'auront aucun recours. Aucun, vous m'entendez. Ils ne pourront pas partir de la sortie, je veux dire. Ils seront obligés de sortir de leur tête, devenir des êtres, corps, cadavres purulents, marchant comme des tombes, dorsalement, je veux dire. Ils marcheront sur le dos, corps nus qu'ils auront à force d'être frappés par les fouets des maîtres. Les maîtres, eux, seront dodus, chauves, vieux et pustulants. La purulence. Les cadavres, eux, seront forcés à mourir. Les uns après les autres, tout en crachant sur leur vie. Et ce fameux mouvement de tombe, nous l'observons d'un tantôt regard vide et glacé. Et tantôt sombre comme une tombe, donc je disais, justement tomber des nues, comme tomber enceinte. Enceinte. Oh mon Dieu, chérie, j'ai des seins. Je suis enceinte. Je suis enfin enceinte. Un miracle est apparu dans ma tombe. Un cadavre est né. Miracle de la pensée ou sempiternelle vérité? Grattez-vous les anus, donc toujours dorés au four comme les limaces, n'est-ce pas? mouches pétées dans la merde. Quelles sont les mouches, je veux dire, nous. Pétons. Oui. Qui peut m'infirmer sur ce terminologique débat ? Étymologiquement, le mot merde vient du latin merda. Merda, merdam, merdas, merdas, prosaris, major, merdae, merdarum, merdas. Merdal, merdal, drôle moi. Merdal, que le merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde. Crotte, caca boudin, prout. Caca et aller vous faire, oui, une habituelle tendance à détruire. Du lieu. Vous avez 30 secondes pour partir du lieu. Vous avez 30 secondes pour partir du lieu. Vous avez 30 secondes pour partir du lieu. Vous avez 30 secondes pour partir du lieu. Vous avez 30 secondes pour partir du lieu. Vous avez 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes pour partir du lieu. Dur le lieu de partir du lieu. Dur le lieu, 30 secondes, 2. Dur le lieu de partir du lieu, lieu, 30 secondes, lieu, lieu, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, du lieu, du lieu, du lieu, du lieu, du lieu, du lieu, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, du lieu, du lieu, du lieu, du lieu. Ainsi le lieu est vaste et commun, commun, commun, commun, commun, commun, un accord. Il n'y a pas de parti, parti, parti, parti pris. Nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas compris. Et il prie le con avec l'anus et toujours ça frotte, oui, et ça pique à la fin et ça s'infecte. Et les gens meurent d'infection. Oh que c'est infectieux. Et mon Dieu, la chambre infectieuse est foyer, foyer toujours tribulateur et tributaire d'une, d'une émergence de fratrie. Fratricide, oui, je lui dirais suicide, oui, vous me l'entendez dire. Et il y a également la flatulence. La flatulence, nous n'en parlons pas assez. Oui, la flatulence, nous n'en parlons pas assez. Oui, la flatulence, nous n'en parlons pas assez. Oui, la flatulence, nous n'en parlons pas assez. Oui, la flatulence, la flatulence, la flatulence, la flatulence, la flatulence, la flatulence, nous n'en parlons pas assez. Nous n'en parlons pas assez. Nous n'en parlons pas assez, la flatulence. Nous sommes actuellement sur le point 99 de la platine CD2. La loupe est donc ralentie à 99 de son potentiel. Presque 100% proche du zéro. Nous sommes proches du zéro. Nous n'entendons presque rien. Et cela n'a pas changé. Nous n'y entendrons jamais rien. Car nos éducateurs et éducatrices nous l'ont dit. Vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. Mourez. Vite. Ça fera moins de frais. Alors ils nous polluent la tête avec de la culpabilité pour nous faire crever d'abcès. Je veux dire, les dystrophies. Mentalisation ou simple souffrance physique? Qui le sait? La souffrance psychique est donc facteur de souffrance physique peut-être. Oh, quelle belle théorie, là, il y a. La pression ou pas? Les pères et les mères sont les plus beaux et les plus belles et la beauté de ce monde, enfin la vie est belle, je veux dire. Excusez-moi tous. Je m'anus. Du verbe anusser qui vient exactement du verbe. Je veux dire du verbe. Le verbe anusser est donc le verbe du premier groupe, infinitif, anusser, ER à la fin, notez bien, 2S, ER, oui les enfants, c'est bien. Prenez vos crayons et partez en l'air avec, vous voyez ce que je veux dire. Foutez-vous la vie dans une thromboscopie frauduleuse ou anguleuse, vous avez le choix. Jouissez les enfants de la vie qui est belle. Oui, c'est une belle histoire, oui, tu as raison. Oui, mon enfant. N'oubliez pas de crever d'abcès. Et attachez bien vos ceintures quand vous rentrez dans les voitures. C'est bien, les enfants. Plus vite, plus fort. Vous êtes vraiment des gens formidables, les enfants. Oui. Changez de main. Ceci est le paquet de mon chewing-gum pétrolifère. Mais mieux vaut mâcher que péter, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'empresser. Ceci est le chewing-gum. Le chewing-gum est bon. La tendance psychopathologique est donc sublimée dans un fatras d'immondices et un foutras de merde. On ne comprend rien, pourtant l'incohérence est toujours de mise, n'est-ce pas? Nous avons donc compris que l'incohérence est là. Là, c'est toujours de la vérité. Là, c'est de la réalité. Là, c'est toujours de la raison, de la logique, du logos suprême. Et avant tout, Aristote l'a dit, je me branle sur le mou des enculés de riz, ou de pi, ou de zizi, ou de riri, pupi, dilaté, anus doré, j'en ai marre. Du caca, je veux dire. Écoutons plutôt de la merde. Oh mon Dieu, ça y est, j'ai atteint l'orgasme. Je veux dire la béatitude selon Saint Thomas d'Aquin, qui est ici avec nous ce soir. Salut Thomas, Saint, je veux dire. Ça va mon pote? T'as l'air béat ce soir. T'as pris quoi? Je veux dire, dans l'anus. T'as osé prendre du Subutex dans l'anus? Saint Thomas d'Aquin, voyons. Ce n'est pas raisonnable. Voix orale sur la boîte. Oh, tu l'as acheté au marché noir, je comprends. Tu n'avais donc pas l'ordonnance avec toi, ni l'outil d'utilisation. Le mode d'emploi et de prise, de dosage de ce médicament si fort foireux. Après tout, tu n'avais qu'à te renseigner, Saint Thomas d'Aquin. C'est pourquoi il y a un bon Dieu pour les ivrognes. Tu n'avais qu'à lui demander. Oui, le subutex, ce n'est pas pour les ivrognes, non. C'est pour les clochards et les sales merdes, les racailles et les purulences extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ta gueule, Thomas. Je sais pas de quoi tu parles. Tu vis pas la même époque. Ta gueule, t'entends? Restons BA donc dans nos trous du cul. Le son est enfin terminé. Et puis en usant, c'est... Pardon, la bonne blague, je veux dire. Non, non, ça continue, désolé. J'ai payé pour avoir le droit de vous faire chier toute la soirée, oui. Je sais, c'est méritoire. Quelle belle vie c'est. Je l'ai dit, vous m'avez entendu le dire, les amis. Je l'ai dit au moins une fois dans ma vie en le pensant. La vie est belle ce soir, oui. Car j'ai payé pour avoir le droit de la vivre. C'est beau. J'ai également payé pour avoir le droit de me taire. Et j'ai payé beaucoup, vous savez. Il y a comme une anguleuse sonorité dans le poste. Pourrais-tu baisser un peu le fader vers le haut, je veux dire, en augmentant les basses, s'il te plaît. Oui, c'est bien. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. Oui, je t'aime. Oh, chérie. Oh my god, it's full of shit. Again, it's back again. It's rotten the ends of the haywire and the rummaging is constantly in the head like a machine. You understand what I'm saying? A machine, man. It's everywhere. Burp. As I was saying, the machine is like rummaging around the head and everything. And as I was saying, like the machine is rummaging around the head and everything, you know? See what I mean? I didn't think so. Les chouettes pullulent et les hiboux ululent. C'est donc un signe, les corbeaux sont de sortie. Les yeux vont être, vont donc, pardon, excusez-moi, je répète. Les yeux vont donc être extraits de leurs orbites. tout en étant émancipés de leur attachement au cerveau. Procédé eschatologique donc, ou eschatologique comme vous voulez, enfin vous voyez ce que je veux dire. Un principe eschatologique ce soir pour vous en live. La télé est éteinte, tout est éteinte. Et les cadavres internéciens sont toujours plantés devant un écran tout bleu, ou vert, ou jaune, ou irisé par les pupilles dilatées du susdit, je dirais, ou des susdites. Ne bougeons pas d'un iota, parlons beaucoup. Ne faisons absolument rien, comme voir le clodo à côté ou les autres. Restons plantés dans un mur, les pieds dans le ciment. Je veux dire, ça peut foutre. Quant à la responsabilité des actes des susdits et susdites, n'en cours aucune peine, que irresponsable complètement. Le fruit d'une tendance si claire, les enfants du siècle, comme disaient certains, et d'autres, je veux dire, les vieux pères du désert, eh bien, on leur chie sur la gueule à longueur de journée et on se fait chier sur la gueule en retour par les autres qui nous chient sur la gueule car ils se chient sur la gueule aussi et on se chie dessus et il y a de la merde partout et ça fond et ensuite on crève et on bouffe de la merde et on est mort, ça y est, et on est enfin libre de la merde qui est partout dans notre cul et dans notre bouche quoi, et partout je veux dire, puisqu'on devient de la merde, tu vois, on devient de la merde grâce à nous. Grâce à nous. Oh grâce. Grass is cool, man. Grass is like shit, but it's just cooler, you see what I mean? I don't think you do, man. I just don't think you do. See what I mean? Okay, I'm gonna punish you now. Je vais vous punir maintenant. Vous n'avez pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit pendant toute la soirée. Ça fait presque 45 minutes que je suis là à vous déblatérer des âneries. Vous n'avez pas enregistré une seule chose de ce que je viens de vous dire. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des cons et de la merde. Et je suis une grosse merde d'être aussi con que vous. Quoi. Vous êtes donc puni, moi aussi. Au coin. Allez, plus vite que ça. Chut, tu te tais maintenant. Oui, c'est bien, continue à te taire et va dans le coin et tais-toi. J'ai dit tais-toi. Ne dis plus rien maintenant. Tu vas disparaître. Bientôt. Oui, c'est bien. Tu as disparu. petit être vil, créature malsaine. Tu vas craquer maintenant, tu vas craquer, t'entends ? Entends ? Créature dégueulasse, puante, pestiférée. Tu es une paria, cette créature dégueulasse, espèce de petite chose, petit être vil et malsain. Tu vas crever maintenant, tu vas crever de merde, t'entends ? Oui, c'est de la merde que tu vas crever. C'est toi la merde, c'est toi qui vas prendre le couteau et te l'enfoncer dans la gorge. C'est fait, c'est bien. Tiens, un bonbon. Dieu, j'ai perdu les contrôles. Que c'est laid. Oh, que c'est laid. Ça, tous les connards qui passent, ils pètent dans le studio, sont des enculés quoi. Ils est tous crevés en enfer et donc on pense tout de suite à nos potes quoi, je veux dire, et donc on leur dit quoi, vous êtes en enfer, voilà, vous êtes morts comme des merdes, parce que vous êtes des pauvres cons et que vous allez crever comme de la merde quoi, je veux dire, nous quoi, je veux dire. Et donc, merde, excusez-moi, j'ai craché dans le micro quoi, tant je suis en train d'essuyer le glaire là, mec, ma gueule, tu vois, ma gueule. Et ensuite, c'est à ce moment-là que le mec il me dit, mais je trouve que tu charges un peu trop tes débilités, quoi, en débilité, tu vois. Et je lui dis, oui, mais si on charge pas assez, c'est pas assez débile, tu vois ce que je veux dire. Ou sinon, on charge suffisamment et c'est toujours pas assez débile, tu vois, parce que débile, c'est bien trop, quoi. Pour moi, c'est trop d'honneur, je veux dire. Donc je vais plutôt prendre, donc je vais être preneur d'action en Shurk et en Blurk, Tchouk, il y a 22. 22 sur 37, le score atteint et final, je veux dire inchangeant et inchangé comme la vie, qui ne changera jamais, vous avez bien compris, répétez après moi, 1, 2, 3 et 4, et le monde est inchangé, oui, comme moi, je suis inchangeant et je resterai toujours pareil toute ma vie, oui, c'est bien, voilà, maintenant couchez-vous dans la merde, la fange humaine que vous êtes, oui, taisez-vous, et rangez-vous en rang, en boîte en fait, en fait, pourrissez sur place comme des poulets atrophiés par les antibiotiques que l'on administre quotidiennement pour pas qu'ils crèvent. Ne postillonnez pas sur les micros et ensuite pétez en roulant sur vous-même, comme ça vous sentirez la merde. Je suis fier d'être un de vos compères. Allez, dodo maintenant. Allez, dodo. Dodo les vieux ou les jeunes ou les âges moyens. Tout ça, dodo, allez, dormez maintenant. Et taisez-vous et pétez dans vos lits. parce que c'est bon. Il est bon de flatuler dans son lit, je veux dire tout le temps. Comme il y a toujours des gens qui pètent, et ben moi non, je veux pas, je flatule. La beauté de ce monde, la flatulence aussi. Et la vie est belle aussi, la merde aussi, c'est beau. Comme toi, t'es con, et tu vas te faire foutre, espèce d'enculé de ma sale race de merde. Nous sommes vraiment de la merde pourrite, qui allons pourrir en enfer. On va crever l'abcès qui va purguler, qui va pustuler sur les visages des enfants, et les enfants vont avoir des pustules sur le nez. Na. Crevons les enfants, comme ça ils souffriront plus que les vieux. Parce que les vieux, ils vont crever bientôt. Il faut faire souffrir les enfants. Vous entendez ? Alors, prenez le contrôle des écoles. Après les normes des insanités, genre, ils vont pas crever. Et ils vont vivre éternellement grâce au fric. Dites-leur ça. Dites-leur aussi qu'ils sont fiers et honorables et honnêtes gens de cette patrie, concitoyens et concitoyennes de la... Nous sommes donc dans un pays libre. Nous abscessons continuellement, du verbe abscesser comme un abcès. Différent de l'accession donc au pouvoir ou au trône, nous sommes donc des purulences. Nous fondons les uns sur les autres, tout en crachotant du pu, qui lui aussi coule sur les joues des uns et des autres. Si le point final est atteint, le rouge, la couleur du sang. Donc après avoir gratté et gratté, nous avons atteint le sang. Nous allons donc pourrir sur place. Nous sommes 100% cons, citoyens et concitoyennes, foutus. Entendez en cela que nous sommes juste et simplement mortels. Manquons, je veux dire. Entendez-vous ? Quelque part, quelqu'un ? Ou souhaitez-vous le rester ? Nous avons atteint le nirvana. Oui, nous pouvons péter en gloire. Ça y est, nous y sommes. Il n'y a donc plus rien à faire. Nous pouvons lâcher les soupapes en pétant, donc, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est bon donc de flatuler tout en pétant et en rêvant de péter. Prout. Allez tous avec moi. Prout. Prout. Vous êtes formidable. Changez de main. Plus vite. Plus fort. Je vous aime. L'amour, c'est beau. C'est comme moi ou vous. C'est beau. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, bébé ? êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est actuellement l'émission Nuisance qui se passe. Et l'on y est presque atteint, je veux dire, à être passé, donc. Donc profitez-en bien. Mal, plutôt, excusez-moi. Je fatigue. La fierté donc poutienne ce soir. La vieille tradition est revenue, une éructance. Les tympans, tellement ça pète les tympans, je veux dire. Woo! quelque chose qui se passe là. Je veux dire, il y a un truc affreux qui... Oh, ça tord et... Ah, ça gaze et... C'est mort. Dans le ventre, je veux dire. Il faut vite suturer la plaie, quoi. Elle suppure, je veux dire. Cautérisé à la hache. De la courtoisie. Donc à l'écoute de l'émission Nuisance qui nuit au sens. Nous l'espérons en tout cas. Vous avoir nuit assez ce soir. Suffisamment, cela s'entend, bien sûr. Attendez, en fond des bruits et du bruit. La facilité à distinguer est évidente. Attention, voyons. L'horreur est décrite dans ses plus recoins méandres. La forme est ainsi prise comme une incarnation. Brutiste comme brutalité, horreur, atrophie mentale et le ciboulot est pourri par les vers. Les vers sont partout. Ce que l'on veut et ce que l'on désire est toujours le pire de ce que l'on veut, donc l'on désire toujours le pire et l'on a toujours le pire, c'est ainsi. L'optimisme toujours de face, face à face, vulgaire et cru. crue, donc comme le son qui sort, qui émane de cette émission Nuisance, qui dure depuis à peu près 200 000 ans. Le bruit est omniprésent depuis la putain de race des temps, et on n'en a rien à foutre, on n'écoute jamais le bruit environnant. Voir, il me dit ouais tu vois on a vécu ouais on a tout vu, j'ai buté putain avec mes dents toutes pourries. Et c'est à ce moment là que le mec donc bavarde dans la direction du prévenu et qui attaque le président Chustix et le Tux m'a ravalé la face avec le bout de beurre, tu vois ce que je veux dire, qu'il avait utilisé donc pour le méfait. Donc méfait, le trou de balle, Al, et il en est fier, ça se voit sur sa face. Face de rage, je veux dire. Yeah. Yeah. donc pour une reprise, c'est une reprise. C'est une reprise en beauté. L'émission Nuisance continue envers et contre toute la merde. Enfin, je veux dire pour. Et avec pour toute la merde que je suis et que nous sommes ici à l'émission Nuisance. Donc vous entendez derrière les foules tergiversantes, derrière moi. Et aussi les nomenclatures atrophiées devant. Voilà. Nous présenterons ainsi le Show Babe, un caricatural, pictural. Allusif, hallucinant et halogène, vénal, que nous avons en ambition donc de vous traduire en termes plutôt abscons. Donc comprenez la caducité de, si j'ose dire, la callosité. Retient en face d'elle, donc d'elle au pluriel, les plusieurs atrophies. Tout en discutant, nous percevons un tant soit peu de parallélisme. Je suis bien sûr parallèle à moi-même, ce qui paraît évident, mais ce qui n'est pas au premier abord, ou de prime abord si j'ose dire, virgule, vous notez bien, entre guillemets, c'est à ce que l'on voit que l'on est, quoi. Fermez les guillemets, point d'exclamation. Je ne puis signer cette phrase d'une quelconque débilitante marque. Par contre, le marketing est de prime abord transversal et toujours oblitérant. Oui. Point. Ainsi, virgule. Vous avez, point virgule. Il est sûr que vous l'avez, point virgule. Il est sûr que vous en avez tellement que vous allez vous en chier dessus, point. Final. Je crois ne rien ajouter à cela, à part peut-être une discursive lamentation, peut-être. Oui, je vous l'accorde.